Belle nouvelle hier dans le monde du curling régional, c'est que l'équipe de Saint-Félicien-Roberval, menée par Jacques Taillon, Jean Lamotte, Michael Godreau et Roch Larouche de Roberval et de Saint-Félicien, ont remporté les grands honneurs des qualifications pour le tournoi national, le tournoi canadien qui aura lieu à Saskatchewan du 1er au 7 avril prochain. Donc, ils vont représenter le Québec. Question de savoir un peu comment ils ont vécu ça. On parle avec le capitaine Jacques Taillon. Bon après-midi, M. Taillon. Oui, bonjour. Peut-être une petite rectification. Oui. C'est Michel Godreau de Dolbeau. OK. Qui était notre deuxième cette année. Il remplaçait... Normalement, on était supposé jouer avec Christian Savard, mais je l'ai remplacé par Fernand Rondeau pour l'élimination pour une blessure. Okay. Et on a essayé de trouver une personne qui cadrerait bien avec notre équipe, avec les trois autres, et on s'est arrêté sur Michel Godreau de Dolbeau. Fait que l'équipe porte le nom de Saint-Félicien-Roberval-Dolbeau. Il s'est bien acclimaté, j'imagine, Oui. Je connaissais quand même Michel, la manière dont il jouait, fait qu'on avait fait quelques pratiques pour voir s'il cadrait bien avec notre style de jeu, et ça s'est avéré correct, là, et ça a bien été pour le tournoi. OK. Si on y allait maintenant avec du côté du tournoi, est-ce que c'était vraiment l'objectif que vous étiez de donner au départ? Ben, c'est toujours notre objectif. On avait, au niveau de la catégorie des maîtres, c'est notre cinquième année. On a quand même toujours bien figuré. La première année, on avait été en bris d'égalité. L'année suivante, à Grand-Mère, on avait gagné le championnat provincial. Ça nous avait amené au championnat canadien en Nouvelle-Écosse. Et l'autre année, à Sept-Îles, on avait connu une fiche parfaite aussi de 7-0. Malheureusement, on avait perdu les parties de semi-finale. L'an passé, une mauvaise année. Moi, personnellement, avec des blessures, on n'était pas à notre top shape. Et cette année, ça a bien viré. On a eu une fiche de 7-0 en round robin. On a perdu la première partie entre les deux équipes de tête de chaque section. On a battu ensuite l'équipe qui avait gagné les deux deuxièmes de chaque section. Et on a repris la même équipe contre qui qu'on avait battu dans les deux premiers de section, et on les a rebattus pour la finale. Ça a-tu été, parce que ça a quand même bien été, la formation de Christian Crête, l'équipe que vous avez battue en finale, c'est une formation quand même que vous connaissiez à l'époque? Non, la formation qu'il y a là présentement, oui, on avait déjà joué contre l'équipe de Christian Crête, okay. C'était une toute nouvelle formation cette année. C'est une formation qui est très puissante. C'est une formation, tu sais, c'est une formation qu'il faut vraiment, vraiment très bien partir les bouts. Il faut que le premier et le deuxième de l'équipe partent parfaitement bien les bouts. Et on voulait vraiment jouer, on voulait pas embarquer dans le système de jeu, c'est qu'on voulait vraiment jouer une partie défensive. C'était 0-0 après 4 bouts. Okay. Ensuite de ça, ils ont pris un bout au 5, on a repris un au 6. On a forcé un peu le 7. Eux autres ont été... même, je dirais, très agressif. Malheureusement, ça n'a pas viré à leurs avantages. On les a volés 3. Fait que à ce moment-là, la côte était très dure à remonter, prendre 3 points au 8e bout. Fait que ça a viré un peu à notre avantage. Disons qu'on on a vraiment joué le style de partie qu'on voulait jouer contre eux. OK. Dis-moi, comment tu vois la suite des choses maintenant? D'abord, est-ce que Christy Savard va être de retour pour le championnat canadien qui est en Saskatchewan? Ou encore, tu vas y aller avec Martin pour le... Avec ton remplaçant de Boom Cisny pour le restant de la... Non, on va vraiment au Canadien avec l'équipe qu'on a gagnée le provincial. Okay. C'est Michel qui va être avec nous au championnat canadien. En 2016, au championnat canadien, on a fini avec 7 victoires, 4 défaites. C'était la meilleure fiche à vie d'une équipe du Québec au Canadien. Fait qu'on espère à chaque année, par contre, faut se dire qu'au niveau des maîtres, les bons joueurs qui jouaient dans les classes ouvertes viennent qui ont 50 ans, ils jouent dans le senior, puis les bons joueurs de 50 ans viennent qui ont 60. Fait que le calibre augmente à chaque année. Fait que la compétition est vraiment féroce. On rencontre, quand on est allé au Canadien en Nouvelle-Écosse en 2016, on joue dans des Waronic, des équipes, des joueurs qui ont fait des 7, 8, 9, 10 brailleurs, ils ont des champions du monde. T'sais, c'est du gros calibre. Il y a des équipes, Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan, Ontario, quand on est allé en Nouvelle-Écosse, ça a été 4 défaites, mais c'est 4 équipes où ils sont une coche en haut de nous autres. Faut qu'ils connaissent une mauvaise journée, puis nous autres une très bonne pour les battre. Puis l'année d'avant, quand on est allé en Nouvelle-Écosse, on a battu les équipes, les médaillés d'or, d'argent et de bronze de l'année d'avant. Fait que c'est pour vous dire que comment que le calibre peut monter de chaque année dans la place des maîtres au niveau national. OK. C'est pas du tout la même affaire. Hein. Le Québec, comparativement aux autres provinces, on fait partie d'enfants pauvres du curling, là. Je dirais qu'on est à peu près au milieu parce que je pense que le Québec, mettons, si on prend les Maritimes, on est, d'après moi, en termes d'équipe un peu supérieure. On est capable de rivaliser à ces équipes-là, mais quand on arrive à Ontario, Saskatchewan, les équipes du centre, les 4-5 provinces du centre au niveau du Canada sont très, très fortes en curling. La Colombie-Britannique, c'est quand même une équipe, c'est quand même des équipes qu'on peut rivaliser avec eux autres, mais c'est à peu près quand vous regardez à la TV le brailleur au niveau du calibre des équipes, ben vous voyez les équipes d'Alberta, puis les équipes, ces équipes-là, c'est très fort, Ontario, puis le Québec se situe toujours à peu près au milieu, puis les autres plus bas, fait, c'est un peu à peu près le même pattern qu'on retrouve au niveau de la classe des maîtres. OK. Si on y allait maintenant comment on fait pour se préparer quand on ne connaît pas les équipes? Bon, il n'y a pas beaucoup de préparation. T'sais, dans le fond, la préparation, on l'a fait versus notre équipe à nous autres. Okay. Cette année, il y a 36 équipes qui se sont inscrites pour la qualification au niveau provincial. Au départ, il faut passer par une classification au niveau régional. Ici, au niveau de la région, il y avait 4 équipes d'inscrites. L'équipe à Ghislain-Amel a eu une passe gratuite vu qu'elle était la seule représentante du Saguenay. Puis au niveau du lac, on avait notre équipe à notre équipe. Il y avait André Martel également, de Delbeau et Ramon Lavoie. Fait qu'on a dû passer par une élimination ici. Fait qu'on a battu les autres équipes. Ça nous a donné le droit d'aller au provincial. Fait qu'au provincial, vous vous ramassez avec 11 régions au niveau du Québec. Fait que vous, à 12 régions, c'est-à-dire vous vous ramassez avec 12 équipes plus en fonction, la région de Montréal a trois passes parce qu'elle est plus grosse. Et le draw est toujours fait, la compétition est toujours faite en fonction de 16 équipes. C'est toujours deux sections de 8 équipes. Il y a un round robin. Fait que chaque section joue 7 parties. Okay. Alors, nous, on a eu la meilleure fiche globale de tout le monde. On était la seule équipe qui a fini avec une fiche de 7-0. Christian Crête, de l'autre côté, avait fini avec une fiche de 2-1. De 6-1, excusez. Donc, est-ce que vous pouvez dire que vous avez été quand même avantagé dans votre division? Ben, moi, personnellement, je calculais que notre section était un peu plus forte parce que ils font le positionnement des équipes, ils demandent aux équipes de classer les équipes. Et les équipes sont classées, l'équipe qui est classée 1 est dans la section A. Et ensuite de ça, l'équipe 2 et 3 est dans la section B. Puis on revient après ça à les équipes 4-5 dans l'A. Il y a toujours deux grosses équipes. Il y a toujours des inconnus dans ça parce qu'il y a beaucoup d'équipes qu'on connaît pas. On en connaît quelques-uns, mais il y a toujours des nouvelles équipes. Puis il y a toujours des nouveaux joueurs qui viennent d'avoir 60 ans qui se font des équipes. Fait que c'est très dur. Si je prends l'exemple en termes de calibre, l'équipe qui a représenté Luc Boissonneau de la région de Montréal, qui a gagné l'année passée, qui est allé au Canadien, c'est même pas classé cette année dans sa région. Okay. Fait que c'est pour vous dire que le calibre augmente quand même à chaque année. OK. Là, c'est ça. Fait que le calibre est très fort. Les gens, est-ce qu'on pouvait voir ça? Non, malheureusement, on ne pourra pas voir ça. On pouvait suivre la compétition. La compétition provinciale, vous pouvez la suivre sur le site de Curling Québec. Vous avez les résultats bout par bout. Par contre, au niveau canadien, je sais quand on avait été à Nova Scotia, on est capable de suivre la compétition par web caméra. Je pense que chaque équipe a au moins une partie, puis il y a des web caméras qui diffusent des parties. Donc, on n'a pas encore tous les détails, ça va être encore ça cette année. Mais en théorie, ça devrait ressembler à quelque chose comme ça. OK. Ben Jacques Taillon, félicitations, bravo. C'est quand même, c'est pas rien non plus, la région. On a représenté les jeunes ont représenté les jeunes filles l'année passée, ont représenté l'équipe junior, ont représenté le Québec au senior, au tournoi des cœurs. Et là, c'est une autre équipe de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui va participer, qui va représenter le Québec au tournoi senior. Donc, c'est pas rien non plus. Là. Non, mais au niveau de la région, les équipes régionales, Saguenay-Lac-Saint-Jean en curling, au niveau de la province, c'est qu'on a quand même un bon réseau de compétition, puis les équipes figurent quand même très bien au niveau provincial. OK. Ben Jacques Taillon, gros merci, puis on se reparle sûrement durant la préparation ou encore après le tournoi. Merci beaucoup. Voilà, de Saint-Félicien de Boumsassini et de Robertval, Jacques Taillon.